2020 touche presque à sa fin, et avec l'équipe, on avait envie de cracher un peu de venin sur cette année toute pourrie. Non, on plaisante. On n'est pas là pour médire et juger la qualité de vie de l'année maudite du coronavirus, mais en revanche, on va tout de même vous parler des venins. Sous toutes leurs formes et dans tous les organismes vivants possibles, oui. Tous. D'où viennent les venins, qui les utilise, comment contrer leurs effets parfois dévastateurs sur l'organisme, accrochez-vous, ça va piquer. Nous sommes le mercredi 2 décembre de l'an maudit 2020, vous écoutez l'épisode 430, en avant! Et pour notre table virtuelle ce soir, nous avons Pascal, toujours fidèle au poste à la technique depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Irène est parmi nous depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Alexa est présente depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et j'aurai le plaisir de faire maîtresse de cérémonie ce soir, en plus de rajouter quelques commentaires dans le dossier d'Alexa, parce que un bon dossier est toujours parasité, ce n'est pas Pierre Kerner qui dirait le contraire. Et donc, pour commencer ce dossier sur le venin, et par savoir pourquoi le sujet de cet épisode, je laisse le micro à Alexa. Merci Eléa. Alors, effectivement, je vais commencer cet épisode par une histoire personnelle, en fait, sur le venin, parce qu'elle constitue une introduction parfaite à ce que font les venins, et en tout cas certains, et qu'elle m'a accessoirement donné l'idée de cet épisode. Donc cette histoire s'est passée cet été, fin août, lors d'une séance de kitesurf à Long Beach, près de Los Angeles. Le kite étant donc un sport, le kitesurf, on se fait tracter en surf par un grand cerf-volant sur la mer au large. C'est d'ailleurs un peu le sport officiel du podcast, puisque Johan en fait, et puis Irène fait du parapente, donc voilà, on a cette idée de voile, de vent, de se faire tracter, etc. Donc j'étais au large en train de faire du kitesurf, et à un moment donné, pour rentrer vers la plage, je suis rentrée en me faisant tracter par mon kite, par mon cerf-volant, jusqu'à avoir pied de nouveau. Et le problème, en fait, quand on commence le kite, c'est qu'on a beaucoup de choses à gérer. Il faut gérer la voile, il faut maintenir le kite en l'air, tout en retenant la planche d'une main dans les vagues. Enfin, c'est un peu le bordel. Et du coup, j'ai oublié la recommandation de fin août, début septembre, sur les plages de Californie du Sud, qui est appelée le Ray Shuffling. Alors, c'est quoi le Ray Shuffling ? C'est marcher en raclant bien des pieds dans le sable, quand on a pied, pour déranger une famille de raies qui s'appelle les stingrays. Donc on va garder le nom stingray ici parce que c'est plus simple, qui sont des raies miliobatiformes qui vivent à cet endroit-là. Et on parle de ray shuffling parce que si ce spot est très populaire pour le kite, parce qu'on a des eaux assez calmes pour apprendre, c'est assez pratique, il est aussi très populaire chez des stingrays, visiblement, pour les mêmes raisons, parce que ce sont des eaux qui sont très calmes, donc elles peuvent se cacher dans le sable et voilà, pouvoir manger, se nourrir, etc. Et du coup, si on ne fait pas du ray shuffling, c'est-à-dire si on ne racle pas le sable pour déranger les raies, on risque de marcher sur une raie, et plutôt sur le sting de la raie, donc l'aiguillon qu'elle possède sur son dos, vers sa queue, qui lui sert à se défendre des prédateurs. Et bon, je pense que vous l'avez deviné, ce qui s'est passé pour moi en revenant faire la plage, en oubliant de faire le ray shuffling, c'est que j'ai marché sur une stingray, sur son sting, qui est non seulement un aiguillon qui perce la peau, mais qui possède aussi du venin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur le coup, j'ai ressenti une brûlure, une douleur assez intense liée à l'aiguillon qui perfore la peau, et la brûlure qui est plus liée au venin. Et comme la blessure piquait beaucoup avec l'eau de mer et tout ça, je me suis dépêchée de retourner sur la plage, de faire atterrir mon kite, de regarder l'état de la blessure, d'arrêter le saignement, etc. Et là, j'ai fait une deuxième erreur, en fait. J'avais vu ces reportages d'Américains en train de hurler après s'être piqué par une raie, en disant « c'est comme l'accouchement, c'est horrible » et tout. Je me suis dit « bon, moi, on me la fait pas, c'est bon, je vais rentrer à la maison et puis on verra ça là-bas ». Erreur fatale, parce que comme je l'ai dit, la raie ne fait pas que piquer, elle injecte aussi du venin. Et pendant les 45 minutes de trajet pour rentrer chez moi, j'ai bien senti en fait que quelque chose ne se passait pas normalement. D'abord, il y a la douleur, parce que le venin ne reste jamais localement au niveau du pied. On a la douleur qui monte, qui chauffe, qui monte ensuite dans tout le pied, dans la jambe, jusqu'au genou. Et ça fait mal. Alors peut-être pas à se tordre de douleur et à hurler, mais ça fait vraiment très très mal. Et en arrivant chez moi, je pouvais à peine marcher. Et j'ai donc décidé cette fois de suivre les recommandations, à savoir mettre le pied dans l'eau très chaude, la plus chaude possible pendant au moins 45 minutes pour faire partir la douleur. Et miracle, ou plutôt bon sens, ça a marché. J'ai senti la douleur refluer puis s'en aller tranquillement. Alors après ça, toute personne normalement constituée se dirait danger, attention, réchauffling, je n'approche plus de la plage, etc. Mais bon, à pas de patience, on n'est pas comme ça. Donc j'ai discuté avec les autres, on a tous trouvé ça cool. Topo m'a conseillé un livre sur le venin et je me suis dit, voilà, faut faire un épisode. Voilà l'histoire de cet épisode du venin. Mais je n'ai pas raconté cette histoire seulement pour raconter ma vie, mais parce que en fait, juste regarder ce qui s'est passé apporte des choses très intéressantes sur ce que c'est qu'un venin, sa nature, l'animal qui le produit, etc. L'animal, d'abord, la stingray, si tranquille dans le sable, elle est finalement bien armée qui voudrait la manger, la déranger, etc. Elle utilise une structure qui est défensive et spécialisée pour ça. On va voir qu'il y en a plein d'autres dans cet épisode, qui est l'aiguillon, pour injecter son venin. Ensuite, cette histoire montre aussi comment le venin peut agir dans tout le corps. Il est certes injecté à un point d'impact, ici au niveau du pied, mais ses effets peuvent être ressentis beaucoup plus loin, soit parce qu'il excite des nerfs, soit parce qu'il peut voyager dans le corps. Et finalement, voilà, on se rend compte que c'est pas forcément que on se rend compte du danger potentiel du venin, étant donné qu'il peut avoir un effet systémique. Et finalement, on est aussi renseigné sur la nature du venin, quelque chose dont on parlera aussi beaucoup plus tard dans l'émission, puisque ici, mettre le pied dans de l'eau chaude a permis d'atténuer le venin, ou en tout cas de le tuer. Ce qui semble pouvoir indiquer que le venin peut être protéique, puisque on sait que nombre de protéines sont dénaturées par la chaleur. Du coup, à travers de cet exemple, on a un peu les grandes lignes de ce qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce qu'un venin? Qui produit le venin? Comment on produit le venin? Est-ce que tous les venins sont pareils? Comment agissent-ils? Peut-on trouver des remèdes au venin si on comprend leur mode d'action? Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Référence qui devrait parler aux plus de 35 ans, j'imagine. Alors, on va commencer par c'est quoi un venin? Est-ce que il y a des questions jusque-là? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je pense que ça va, c'est très narratif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un venin? Si on part de la définition donnée dans des dictionnaires ou en ligne ou partout, un venin, c'est une substance toxique qui est sécrétée par certains animaux qu'ils injectent par piqûre ou morsure. Et ça nous apprend déjà pas mal de choses. Déjà que le venin vient d'un animal, et Léa va nous parler donc très rapidement de la distinction avec les plantes, notamment tout à l'heure, qui produisent aussi des substances toxiques, mais qu'on n'appelle pas des venins. Donc un venin vient d'un animal, et ensuite un venin doit être administré de façon active, par une adaptation que les animaux vont posséder. Donc pour la stingray, un sting, mais évidemment vous pouvez penser aux serpents et à leurs crochets, etc. Et on va le voir par la suite, l'évolution a rivalisé dans l'animalité d'ailleurs pour ces dispositifs d'injection. Mais alors, on peut se demander comment appelle-t-on les animaux et les plantes qui sont simplement toxiques et donc qui ne sont pas venimeuses. Et là, Eléa va nous faire une petite remarque. Oui, alors cette distinction, ça peut peut-être vous rappeler des précédents épisodes. Dans les épisodes 335 et 352, Claire avait fait un super dossier sur les petits poisons d'Agatha Christie. Et donc, elle commençait par expliquer quelle était la différence entre les poisons justement, et les venins. Je vous encourage à les réécouter, mais pour mieux comprendre ce dont on parle, juste une petite parenthèse sur la distinction qu'on fait. À l'origine, dans les deux terminologies, il y a la notion de toxine ou de substance toxique, qui peuvent être d'origine environnementale, donc autour de nous, d'origine anthropogène, c'est-à-dire fabriquée par l'homme, ou d'origine biologique, et là on parle plus de ça, donc ce qui se trouve dans les êtres vivants. Mais je vais laisser Alexa l'expliquer plus en détail. Non, effectivement, c'est exactement ça. Donc, en fait, avant, on parlait de substances toxiques, poisons, venins, et avant, c'était une distinction qui n'était pas vraiment faite. Et comme tu l'as très bien dit, maintenant, on a une terminologie qui est beaucoup plus compliquée et qui est valable donc aussi pour les animaux. En fait, au sein des animaux, au sein des venins, on a plusieurs termes qu'on utilise. Donc on a les termes notamment vénéneux et venimeux. Dans les deux cas, on a la production de toxines, mais un organisme vénéneux, donc vous utilisez peut-être sans doute pour les champignons ou les plantes, etc. Mais en fait, vénéneux, c'est possible pour les plantes et les animaux. Cet animal va produire des toxines, mais elles seront inoculées passivement. soit parce qu'un prédateur ou un autre animal le touchera, soit par ingestion. On peut citer les dendrobates dans cette catégorie, qui sont ces petites grenouilles jaunes et noires d'Amérique du Sud, assez iconiques. Vous avez sans doute vu des photos de ces petites grenouilles, qui sécrètent un poison extrêmement toxique qui résulte probablement des animaux qu'elles ingèrent, mais qui n'ont pas de structure pour injecter ce poison, qui n'ont pas de structure pour injecter cette toxine. On peut aussi citer le poisson globe, qui sécrète de la tétrodotoxine, une toxine mortelle qui a été très très utilisée en biologie pour caractériser notamment les canaux sodiques dans les membranes, qui devient toxique en sécrétant cette toxine, mais qui n'a aucun dispositif pour l'injecter. On a aussi le papillon monarque qui devient toxique en ingérant des feuilles, mais qui n'a aucune structure, donc soit pour attaquer, soit pour se défendre. En revanche, un organisme venimeux, donc qui produit du venin, va posséder un dispositif pour injecter son venin de manière active, soit par morsure, soit par piqûre, soit pour attaquer, soit pour se défendre, soit les deux. Et là, je suis sûre que voilà, vous en avez plein en tête, avec plein de dispositifs incroyables différents, et on va y revenir plus tard, parce que l'évolution est une fois de plus hallucinante dans ce domaine. Très rapidement, je vais quand même citer certains serpents, comme les vipères, qui possèdent des dents modifiées pour mordre efficacement, ou encore des méduses qui vont injecter leur venin avec des petits filaments. Et en fait, depuis peu, depuis 2013 en fait, on a aussi une troisième catégorie d'animaux toxiques, on va dire, qu'on distingue des organismes venimeux, qui sont les animaux donc toxingeneus en anglais, donc toxingène en français, donc c'est un peu moche comme mot, qui est une catégorie intermédiaire. Donc ce sont des animaux qui n'ont pas de structure particulière pour injecter leur venin, mais qui s'en servent quand même pour attaquer activement. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça peut être? Les fourmis qui jettent des jets d'acide, là. Alors, ça peut être les fourmis, mais en général, elles ont quand même des aiguillons. Mais effectivement, c'est des animaux qui jettent des choses. On a le cobra cracheur, par exemple. Ce sont des serpents qui ne vont pas vous mordre, mais qui vous crachent à la figure. Qui c'est qui crache? Les lamas. Les lamas, ils sont pas venimeux. Qui c'est qui crache? Il y en a pas tant que ça, en fait. Il y a surtout certains serpents, des cobras, donc, et puis des espèces de crapauds buffles, notamment, qui crachent dessus aussi s'ils sont menacés. En fait, on n'en a pas beaucoup. Mais c'est une catégorie, maintenant, dans la recherche sur les venins, en tout cas, qui est considérée comme une catégorie à part. Parce que, comme on va le voir, en fait... On va avoir des pressions d'évolution, des pressions de sélection différentes sur les venins et sur les animaux si on utilise le venin pour attaquer, pour se défendre ou pour d'autres raisons. Donc en fait, ça fait du sens d'un point de vue scientifique de distinguer tout ça parce que ces classes vont avoir une différence importante. Et donc on va regarder ça en détail après. Alors du coup, je suis allée lire une publi là-dessus. Tu voulais peut-être finir. Non, vas-y. je suis allée lire une publi là-dessus parce que c'était encore un peu flou cette distinction. Mais en gros, donc il y aurait les organismes vénéneux, donc qui sécrètent des substances toxiques mais qui n'ont pas de dispositif pour injecter cette substance toxique dans un autre organisme et donc il n'y a pas de création de blessures. Donc ils sont toxiques par ingestion, inhalation ou absorption à la surface de la peau. Il y a les organismes venimeux qui, cette fois, sécrètent et injectent activement des toxines via des structures spécialisées, et donc il y a la notion de blessure. Et il y a les toxingènes qui sont entre les deux, qui produisent leurs toxines et qui ont des structures pour les expulser, mais dont les effets se font sentir sans qu'il y ait une lésion. Voilà, exactement. Exactement, et je pense que c'est effectivement ce papier de 2013 qui, il me semble, est le premier à faire cette distinction, qui depuis, en fait, a été reprise de façon assez large pour classifier ces animaux. Bon, du coup, ça nous amène à la question que tout le monde se pose, ça sert à quoi d'être venimeux? Alors, effectivement, et alors, à votre avis, pourquoi? Bon, on l'a déjà un petit peu évoqué. Pour se défendre. Pour attaquer. Pour se défendre, oui. Pour attaquer aussi. Pour sinon je vois pas. Pas pour séduire en tout cas, à mon avis. Alors détrompe-toi. Ah, tu vas apprendre de nouvelles choses, Clément. Ah, spoil pas. Non, je spoil pas. Alors oui, effectivement, en gros, c'est pour ces raisons-là. Alors après, pour attaquer, je vais distinguer encore une autre catégorie, se nourrir, parce que parfois, on n'attaque pas toujours pour se nourrir, en fait. Mais on va voir qu'on a une distinction à faire. Mais effectivement, on peut classifier les raisons pour lesquelles produire du venin en deux grandes causes, on va dire, se défendre et se nourrir, et on va décomposer se nourrir en deux sous-catégories. Alors, qui se défend et comment ? En fait, ils sont très nombreux à se défendre avec des venins. Bien sûr, on peut revenir à nos chers stingrays et son aiguillon. Typiquement, pour elles, l'aiguillon ne sert pas à l'attaque. Il n'est pas utilisé pour attirer et attaquer, mais bien pour se défendre. Il est donc purement défensif. Quelqu'un dans la chatroom a parlé de cet homme qui faisait des documentaires animaliers, etc., qui a été tué par une stingray. C'est pas que la stingray l'a attaqué, c'est qu'elle elle a défendu et il est mort, non pas du venin de la stingray, mais parce que l'aiguillon de ces gros stingrays d'Australie a perforé son cœur, en fait. Donc il est mort de... ouais, elle s'est défendue et en fait, il est mort de cette façon-là. Donc même là, c'était pas de l'attaque, en fait, c'est purement considéré comme défensif. Poignardé par une raie, c'est quand même ça mérite d'être souligné en épitaphe, ça, non? Tué par un stingray, oui. En fait, c'était quelqu'un qui faisait des reportages sur les animaux très dangereux. Donc bon, quelque part, il avait pris pas mal de risques, mais c'est vrai que là, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on pouvait pas, qui n'était pas vraiment imaginable comme mort, parce que comme on le verra plus tard, leur venin est pas très fort, en fait. Et c'est la même chose, en fait, pour le dard des abeilles. Il est majoritairement utilisé pour défendre la colonie. Et il est donc défensif également. Chez l'oursin, le poisson-pierre, le venin est majoritairement utilisé là aussi en défensif, ce qui est le cas d'ailleurs de la majorité des poissons. On peut aussi citer la fourmi qui est la boulette ant ou la fourmi balle de fusil. Donc c'est l'insecte qui est censé, on en reviendra en fin d'émission, avoir produire la douleur, le venin le plus douloureux. On considère aussi que la fourmi balle de fusil a un aiguillon qui est plutôt défensif. Et d'ailleurs, elle est utilisée par certaines populations amazoniennes du Brésil et en Guyane française pour des rites de passage initiatiques au moment de la puberté. Ce que les gens font, c'est qu'ils mettent leurs mains dans des gants qui sont remplis de ces fourmis et ils se font piquer. Et le but, c'est de résister à la douleur. Alors, il y a des gens qui résistent pas et ça fait un peu des hallucinations parfois et des choses comme ça. Mais en gros, c'est vraiment un rite initiatique, parfois sur les garçons en général, mais parfois aussi sur les filles, pour résister. Donc, on utilise... Voilà, ces aiguillons défensifs pour ça. En général, les espèces qui possèdent des aiguillons sont souvent défensives, et les espèces qui mordent plutôt offensives, comme on va le voir, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc gardez bien en tête que toutes ces catégories que je donne, là, elles ne sont pas complètement toujours exclusives non plus. La deuxième catégorie, c'est pour attaquer, pour la prédation, pour se nourrir, que les espèces vont avoir du venin. Et là, on va distinguer donc deux cas. Ceux qui attaquent, notamment pour tuer leur proie, et ceux dont le but est de prélever, en fait. Parce que ces stratégies sont très différentes. Donc pour l'attaque, en vue de tuer des proies, on pense bien sûr aux serpents venimeux. Les scorpions, c'est aussi des champions des venins offensifs. Eux, justement, ils ont un aiguillon, justement, c'est un cas qui ne marche pas très bien. Mais ils vont attaquer avec leur aiguillon pour immobiliser leur proie et ensuite les dévorer. On a aussi certaines méduses, comme les méduses boîtes, qui utilisent leur venin avec des très longs filaments, on en reviendra plus loin, pour neutraliser leur proie et la capturer. On peut parler aussi du dragon de Komodo, qui, contrairement aux idées reçues, ne tue pas ses victimes parce que sa bouche est remplie de bactéries, qui est une idée reçue assez forte encore, mais bien parce qu'il leur injecte un venin. Qui va justement les faire saigner jusqu'à la mort. Les serpents, par exemple, les serpents à sonnette sont un bon exemple de cas limite défensif-offensif. Ils attaquent et utilisent leur venin pour attraper leur proie, des petits rongeurs par exemple, mais ils ont aussi leur sonnette et parfois ils attaquent aussi, par exemple, les êtres humains pour se défendre d'un prédateur. Donc ici, bah voilà, leur crochets leur servent non seulement à attaquer, mais aussi à se défendre. Le deuxième sous-cas, donc, pour se nourrir, pour attaquer, ce sont les animaux hématophages. Ceux-là n'ont aucun intérêt à tuer leur proie, ni même à se faire repérer par leur proie d'ailleurs, puisque c'est des animaux qui vont se nourrir et qui vont injecter un venin pour se nourrir, pour laper du sang, pour prélever du sang. Et évidemment, l'animal emblématique qu'on a dans cette idée, enfin on en a deux en fait, et le premier qui est évidemment mon préféré, ce sont les chauves-souris vampires. Il y a trois espèces de chauves-souris vampires. Elles possèdent des incisives modifiées pour couper la peau très profondément et laper le sang. Et l'autre que vous connaissez évidemment, ce sont les moustiques. On a plein d'insectes évidemment qui injectent des venins. Le moustique, en fait, injecte son venin, qui est un anticoagulant, pour être capable d'aspirer le sang et de pouvoir manger tranquillement sans nécessairement se faire repérer. Et en fait, les moustiques et les chauves-souris permettent de faire une transition parfaite avec une question qui est liée à cette partie. On a distingué différents types de venins, défensifs, offensifs, etc., pour se nourrir. Et c'est très important parce que, comme je l'ai dit un petit peu en avant déjà, cela a des conséquences sur le type de venin qu'on va retrouver chez ces animaux. Comme une chauve-souris vampire a besoin de laper le sang sur un animal, le venin qu'elle injecte n'a pas pour but de vous tuer ou de vous faire mal, mais vraiment d'empêcher la coagulation du sang. Et ça, j'ai une anecdote encore, puisque décidément, j'ai une histoire personnelle riche par rapport au venin. Quand je capture des chauves-souris vampires sur le terrain, parfois je me fais mordre, on se fait tous mordre en fait, parce qu'elles se débattent, elles n'aiment pas trop se faire attaquer. Et quand ça arrive, ben, non seulement ça fait un peu mal parce qu'on se fait mordre, mais aussi on saigne pendant 12 heures d'affilée au point d'entrée. Alors pas plus, parce qu'on est quand même gros et que la chauve-souris est petite, mais l'anticoagulant fonctionne très très très bien, et on saigne pendant longtemps. Et le moustique, lui, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne saigne pas aussi longtemps, parce que la piqûre est petite et l'anticoagulant est un peu moins fort, mais voilà, on a ce venin très très caractéristique, en fait, lié à cela. Les venins défensifs, de la même façon, ont principalement pour but d'éloigner un prédateur et pas de le tuer. Et donc, ces venins sont en général plus simples et moins complexes et aussi plus conservés que les venins offensifs. Et en général, ils sont plus tournés vers la douleur. C'est un venin qui va être douloureux puisque le but, c'est de vous éloigner, c'est pas de vous tuer. Et par contre, les venins plus offensifs, comme le venin présent chez la taupe, par exemple, qui paralyse des vers de terre avant de les manger, vont avoir des effets beaucoup plus systémiques, beaucoup plus importants sur les proies. Donc la taupe paralyse ses vers de terre, donc c'est quand même un effet assez extrême. Le serpent à sonnette va provoquer la nécrose des tissus lorsqu'il mord, parce qu'il a pour but d'immobiliser sa proie, mais ça la prédigère aussi avant de la manger. Donc voilà, donc on a vraiment cette adaptation type de venin et fonction du venin en fait. Et enfin, la dose à laquelle le venin va tuer, sa toxicité, sa composition, seront aussi fonction de la proie cible en général. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Un venin qui peut être actif sur un animal ne le sera pas forcément sur un autre, tout simplement parce que l'autre animal sur lequel le venin n'est pas actif ne correspond pas à la cible de l'animal attaquant. Donc ça vous montre quand même toute l'importance de faire cette distinction offensive, défensive, se nourrir, etc., qui, même si elle n'est pas toujours facile à faire, est pourtant un sujet vraiment intéressant si on veut vraiment comprendre comment marchent les venins, comment ils évoluent, leur cible sur le corps humain ou d'autres animaux, etc. Et d'ailleurs, une étude récente qui a été publiée en 2020 suggère que les venins de serpents ont majoritairement évolué pour la prédation plus que pour la défense. Ce qui explique que la plupart des blessures ne sont pas nécessairement douloureuses au-delà de la morsure elle-même, mais très souvent mortelles. Et du coup, en faisant des recherches sur cet épisode, et là ça va te plaire Cléora, j'ai découvert que, outre la défense, qui paraît assez intuitif, et la prédation, il y a certaines espèces qui utilisent le venin plutôt entre eux, pour la compétition pour les femelles par exemple, et notamment chez l'ornithorynque ou le slow loris, là le lémurien, c'est un lémurien, hein. C'est un petit singe. Ouais. Alexa vous en parlera un peu plus tard. Et il y a certains scorpions du genre Adogenes qui l'utilisent même sur les femelles et nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'ils piquent les femelles et dans ce cas, la piqûre a un effet sédatif pour pas qu'elles bougent trop, voire aphrodisiaque. Ils savent pas encore trop distinguer. Mais je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'il y a des venins qui ont évolué spécialement pour avoir du sexe. Irène, t'avais une question ? Ouais. J'ai une question Alors, en fait, justement, on parlait de serpents à sonnette. Et puis, toi qui habites en Californie, il y en a plein. Et ben, moi, j'ai souvent entendu dire là-bas qu'il paraît que les bébés serpents, les bébés, injectent plus de venin que les adultes parce qu'ils maîtrisent moins, finalement, la dose qu'ils veulent injecter. Est-ce que tu as déjà entendu dire ça? Alors, je n'ai pas entendu dire ça, je n'ai pas trouvé ça, mais on en reparlera un peu tout à l'heure. Effectivement, les espèces sont capables de moduler la quantité de venin qu'elles injectent en fonction de la proie, en fonction de ce qui se passe. Et notamment, on en reparlera encore tout à l'heure, mais quand, par exemple, des serpents qui utilisent leur venin, qui mordent pour se défendre, peuvent ne pas injecter de venin quand ils mordent, si c'est purement défensif. Donc, effectivement, on a cette notion de, je ne sais pas si on peut parler de choix, mais en tout cas de modulation de quantité de venin. Après, est-ce que les jeunes injectent plus de venin que les adultes parce qu'ils n'ont pas appris à le faire ou parce que leurs systèmes ne sont pas encore bien en place la raison pour laquelle ils le feraient, je ne la connais pas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça pourrait être tout simplement dû au fait qu'ils ont peut-être plus de venin au départ. Ils ont pas encore épuisé le stock qui, comme on va le voir un peu plus tard, met du temps à se refaire. Ah oui, ça aussi, ouais, ça pourrait jouer. Ouais. Ça pourrait jouer. Mais ouais, la réponse ça. Précise, je ne sais pas. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a, pas d'autres questions dans la chatroom ou ailleurs? Il y a Chloé qui demande s'il n'y a pas des mouches aussi qui intoxiquent les femelles pour se reproduire, mais je n'ai pas entendu parler de cette histoire encore. Je ne sais pas si toi, tu connais cet exemple. Je ne connais pas cet exemple, mais oui, il y a des mouches qui injectent du venin, oui. Ça, c'est vrai. Par contre, si c'était pour de la sélection sexuelle ou pas, j'en sais rien. Ça, c'est pas un exemple que je connais. Et on verra aussi tout à l'heure, mais en fait, il y a plein de... ça se trouve, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense parce qu'on a plein de stratégies derrière l'évolution des venins qui ne sont pas connues. Et en fait, ça reste quand même majoritairement inexploré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais justement, parler de mouches, de serpents à sonnette, de stingray, tout ça, ça me fait une transition parfaite vers la partie suivante, qui est dans le monde vivant, qui pique et brûle ? Qui sont les animaux, finalement, qui sont impliqués dans ces... dans la production de venin. Et depuis le début de l'épisode, on a parlé de beaucoup d'animaux différents. Donc, on a vu qu'on avait des vertébrés, des poissons, des stingrays, des mammifères, qui sont aussi des vertébrés d'ailleurs, des chauves-souris, ornithorynques, mais des cnidaires comme les méduses et d'autres encore. Du coup, on peut se demander qui est venimeux. Est-ce qu'on a des animaux venimeux finalement dans tout l'arbre des animaux, voire dans tout l'arbre du vivant? Et si c'est le cas, on peut aussi se poser comme question, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas venimeux? Parce que posséder du venin, ça, pour se défendre ou pour attaquer, ça paraît quand même extrêmement avantageux d'un point de vue évolutif. C'est quand même une belle arme. Alors, globalement, la réponse à la première question, est-ce qu'on a des animaux venimeux partout dans l'arbre du vivant? On peut dire que globalement, cette réponse, c'est oui. Alors, tous les taxons d'animaux n'ont pas nécessairement du venin, mais on en retrouve quand même régulièrement un peu partout. On en retrouve chez les cnidaires, qui sont donc à la base des métazoaires, qui sont les animaux. Donc j'ai parlé des anémones, j'ai parlé des méduses, par exemple, des jellyfish, etc. On en retrouve chez les arthropodes, donc comme les araignées, les scorpions, les crustacés, on en retrouve chez, évidemment, les insectes, les insectes, j'ai les mots qui me viennent en anglais dans ma tête, je suis désolée, c'est pour ça que je lutte pour traduire, les fourmis, des papillons, on en retrouve aussi chez des différents vers, certains, plein de différents vers, comme les polyakètes, dont je crois Topo vous a déjà parlé. Polyakètes, c'est ça? Polyquette ou polyakète, on peut dire les deux en français, il me semble. Okay. On en retrouve chez certains escargots aussi, chez des octopus, on en retrouve chez des étoiles de mer, chez des oursins, chez les raies, chez des amphibiens, chez des serpents, chez certains marsupiaux, pas les marsupiaux, pardon, chez certains monotrèmes, et évidemment chez les mammifères et plein de vertébrés, etc. Donc, voilà, on a du venin globalement quand même assez partout dans le monde vivant. Mais on n'a pas une répartition égale selon tous les taxons. On considère que parmi les grands champions, on a les cnidaires, dont les méduses, puisqu'on retrouve chez elles plus de 9000 espèces venimeuses. On peut citer aussi les scorpions, qui sont très prolifiques dans le venin, puisqu'on a 1500 espèces, dont toutes sont venimeuses. Chez les araignées, on a plus de 45 000 espèces, dont une grande partie sont venimeuses. Les hyménoptères, donc c'est le groupe qui contient les abeilles, les guêpes, etc., est aussi considéré comme l'un des groupes venimeux les plus vastes, avec 120 000 espèces décrites. Donc on est très très mal le venin, d'ailleurs, c'est largement inexploré encore. Mais bon, caractériser tous ces venins, c'est un sacré casse-tête, étant donné qu'on ne connaît même pas toutes les espèces. Chez les mammifères, nous, en gros, on compte 12 espèces venimeuses seulement, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même notable. 3 sont des espèces de chauves-souris dont j'ai déjà parlé. On a aussi le solénodon, qui d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, faisait aussi des colocations, donc c'est marrant. On a le singe loris qui empoisonne sa salive, et ça c'est très très drôle, avec une glande qui est située sur ses pattes arrière. Donc on n'a pas une glande dans la bouche comme les serpents pour empoisonner ses salives, mais il va chercher le venin sur ses pattes arrière pour l'amener dans sa bouche. Et là, Eléa avait une blague... Je sais pas si je devrais la faire, mais bon, c'est ce qui s'appelle avoir un plan de secours sous le coude. Parce qu'il a des glandes sous le coude. Moi, j'aime bien cette blague. Voilà. Merci de rigoler, les autres, super. Merci. Je crois que elle était pas mal, cette blague. Si, c'est mignon. Hein. Mais oui, c'est mignon, c'est vrai. C'est vrai. Et on vous renvoie à notre épisode blague, d'ailleurs, du 1er avril de l'année dernière. Nous avons aussi la taupe, dont j'ai déjà parlé, qui produit une toxine qui paralyse les vers de terre. La grande musaraigne à queue courte également, qui produit un venin. Le crotophe aquatique et l'ornithorynque, dont on a déjà parlé, avec son venin impliqué dans la sélection sexuelle, et dont on reparlera parce que, d'un point de vue venin, il est fascinant. Et on considère en fait que les venins sont apparus 4 fois indépendamment chez les mammifères. Gardez ça en tête, puisque c'est exactement ce dont je vais parler tout de suite pour l'ensemble du monde vivant. On a vu qu'on avait du venin, donc ça variait selon les taxons, etc. Mais on a l'air d'en trouver quand même globalement chez tous les êtres vivants, donc on peut se demander chez tous les animaux. Donc on peut se demander, est-ce que le venin est ancestral ? Eléa a déjà parlé de certaines plantes et va en parler. Est-ce que on pourrait avoir une origine du venin commune à l'ancêtre commun de tous les êtres vivants ou des animaux, et qu'ensuite les animaux qui n'ont plus de venin ne l'ont plus parce qu'elles l'ont perdu. Ça a été suggéré par certains chercheurs, mais la communauté scientifique pense maintenant que en fait les venins ont des modes d'action, ont des compositions si différentes, qui ciblent différentes parties du corps de manière différente, on y reviendra un peu plus loin, qu'il s'agit vraisemblablement d'acquisitions indépendantes dans différentes branches du vivant. C'est-à-dire que, indépendamment, dans plein de branches du vivant, et pour le cas des animaux, on a des acquisitions de venins différents, parce que ça apporte un avantage évolutif vraiment très important. Alors, pourquoi tout le monde n'est pas devenu venimeux, finalement, qui était l'autre question qu'on pouvait se poser en regardant cet arbre du vivant ? Eh bien, tout simplement parce que vous ne le savez peut-être pas, mais produire du venin a un coût exorbitant pour l'animal. À la fois un coût évolutif et physiologique. Alors parlons d'abord du coût évolutif. Le maintien des gènes dans le génome en général se fait globalement par le maintien de la pression de sélection sur ces gènes. Et si ces gènes ne sont plus soumis à sélection, les mutations délétères vont s'y accumuler et le gène finira par devenir inactif. Et c'est ce qu'on peut voir dans de nombreuses lignées qui ont perdu leur capacité venimeuse. On en a. Notamment chez des serpents qui ont développé la constriction, vous savez, comme moyen de prédation. Ce sont ces serpents qui font des tours autour de leur proie pour les étouffer. Et ceux-là, par exemple, ils ne sont plus venimeux, donc ils n'ont plus de glandes à venin, parfois leurs dents sont aussi un peu modifiées par rapport aux serpents venimeux. Mais en revanche, dans leur génome, et c'est la génomique qui nous a appris ça, on peut trouver des traces des gènes qui ont été inactivés. Qui étaient donc des gènes de venin avant et qui maintenant sont inactifs dans le génome, et on peut les étudier, on peut même dater le moment où ces gènes sont devenus inactifs. Dans le lignage des poissons rascasses, qui comptent des poissons très très venimeux, certains, pareil, ont perdu ou inactivé des gènes de toxines qui sont présents dans le venin. Ce qui montre bien que si la prédation de la pression de prédation ou de défense, ça se discute un peu plus pour la défense, n'est plus maintenue, le venin est perdu. Et le deuxième coup, en plus du coût évolutif, comme je l'ai dit, c'est le coût énergétique, parce que produire du venin, c'est très très cher pour l'individu. Et c'est cher non seulement pour le faire, mais aussi pour le refaire quand il a été utilisé. Donc là, on revient sur la discussion qu'on a eue avec Irène un peu plus tôt. Quand le venin a été utilisé pour en refaire, un serpent va par exemple augmenter son rythme métabolique de 11% sur 3 jours pour le refaire. À titre de comparaison, une femme enceinte pendant la grossesse augmente son rythme métabolique de 21%. Et bon, on sait que quand on est enceinte, globalement, c'est fatigant, il faut manger plus, etc. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc imaginez comparer ces 21% à ce qu'il faut 11% de plus pour 3 jours pour un serpent pour refaire son venin. Alors, quelques espèces de serpents, ça varie évidemment selon les espèces. Pour les scorpions, on a besoin de 20 à 40%, pareil, selon les espèces, sur 8 jours pour refaire le venin. Et on considère que ça peut être un dixième à un quinzième de l'énergie totale d'un individu qui peut être consacré à la production de venin. Et c'est aussi pour ça qu'on en a parlé un peu plus tôt, mais que les animaux n'utilisent en général leur venin qu'avec parcimonie. Les scorpions, par exemple, sont connus pour faire varier la quantité de venin injecté en fonction de la taille de la proie, etc. Et les serpents utilisent souvent leur venin pour manger, mais lorsque c'est pour se défendre, en général, les morsures ne sont pas venimeuses. Chez l'homme, on considère que 20 à 50% des morsures de serpents seulement sont envenimées, exactement pour cette raison-là. Alors évidemment, ça dépend des serpents, mais on pense que voilà, on a clairement ici encore une différence entre attaquer et se défendre, mais cette fois par l'utilisation de l'animal. Alors c'est à ce moment-là que j'avais envie de vraiment parasiter l'épisode, parce que on pense souvent que le terme venimeux, du coup, c'est vraiment propre au règne animal, et selon la définition qu'on a vue au tout début d'émission, selon cette définition stricte qu'il faut une toxine qu'on puisse injecter dans un autre organisme grâce à un appareil spécial en créant une blessure, et bien du coup, les orties devraient faire partie des organismes venimeux. Et pourtant, c'est des plantes. Alors, si on regarde d'un peu plus près comment ça fonctionne, et pour vous expliquer que oui, ça rentre complètement dans la définition, dans une ortie, on a des poils urticants, qui ont une structure creuse qui est équivalente à une aiguille de seringue hypodermique, et qui est remplie d'un mélange chimique, un cocktail d'histamine, d'acétylcholine, de sérotonine, d'acide formique. Tout ça, c'est capable de pénétrer sous la peau en créant une blessure, et ça va déclencher une irritation et une inflammation des enfers que vous devez bien connaître si vous êtes déjà tombé dans un parterre d'ortie. Donc ça, c'est l'ortie de chez nous, hein, elle est gentille. Il y en a des pires dans la famille des urticacées, des orties. Si l'ortie, c'est dans vos cauchemars, je vous parle même pas de l'urtica ferox, qu'on appelle aussi le onga onga en Nouvelle-Zélande, ou alors d'une autre plante qui s'appelle le gimpi gimpi, dont le nom latin, c'est Dendrocnidae monoides. La première, le onga onga, elle est recouverte d'aiguilles d'un demi-centimètre jusque sur les nervures de la feuille. Je vous posterai une photo dans la chatroom. Et la deuxième, elle a des glandes cassantes au bout d'un poil qui vous injectent un cocktail super douloureux. Alors, il y a un article de The Conversation dans lequel une scientifique raconte comment elle a testé la piqûre de cette plante. Et elle le décrit comme ça, c'est comme être brûlé avec de l'acide chaud et électrocuté en même temps. Quelques heures après, le gonflement des ganglions, donc 20 minutes plus tard, il y a un gonflement des ganglions qui est si intense que ça fait une douleur qui est similaire à se faire écraser entre deux planches de bois. Et pour ne rien arranger, les poils et la sensation des poils dans la peau peut rester pendant 6 mois d'affilée. Ça se réactive à chaque fois qu'on met de l'eau dessus ou qu'on touche la zone. Et les toxines sont si persistantes qu'elles peuvent rester actives sur des planches d'herbier jusqu'à 100 ans après le séchage. Donc en gros, vous déballez une plante d'herbier de gimpi gimpi séchée, vous pouvez vous faire piquer et envenimer du coup par le gimpi gimpi. Et si vous restez à proximité sans protection respiratoire, vous déclenchez à coup sûr une crise allergique en l'espace de 20 minutes. Donc c'est plutôt pas mal dans le genre plante venimeuse. Voilà. Et si on reste hors du règne animal, on se rend compte aussi que des choses aussi ridicules que des protozoaires ciliés, comme l'espèce d'Ileptus gigas, ça ressemble un peu à une cellule avec une corne, comme ça, comme un narval. C'est aussi capable de projeter des structures qu'on appelle les toxicistes, qui sont remplies de cochonneries, qui vont percer les membranes cellulaires de leur proie. Il y a aussi des champignons, des bactéries, ou même des phages, donc des virus de bactéries, qui ont des structures d'injection pour envahir d'autres êtres vivants. Donc finalement, si tout est question de définition, il y a plein de choses dans tout le règne vivant qui peut être défini comme venimeux, et le vivant n'arrête pas de nous surprendre. Voilà. Ce qui nous amène à, du coup, quelles sont les différentes structures pour injecter un venin, et je crois que Alexa, t'as plein de choses à nous dire. Effectivement, et là encore, ce que tu viens de dire, le vivant ne cesse de nous surprendre, est particulièrement vrai pour cette raison aussi. Comme on l'a vu au départ dans la définition du venin, on considère qu'une espèce est venimeuse si elle a une structure pour injecter le venin. Et là encore, on a une variabilité qui est énorme dans les adaptations liées à l'injection de venin. Alors, en général, là aussi, tout comme le fait que le venin soit défensif, offensif, etc., les structures sont plus ou moins spécialisées dans la proie. On va avoir des crochets de serpent qui sont spécialisés pour attraper des mammifères ou pour autre chose, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui vient en tête en premier, les crochets de serpent, qui sont modifiés non seulement pour mordre, vous avez des dents modifiées, les crochets, mais aussi pour injecter le venin, qui ont des glandes à venin près des dents pour l'injecter. Et en fait, on a d'ailleurs une coévolution assez forte entre les dents et ces glandes à venin, puisque si on coupe en deux, en transversal, un crochet de serpent, on voit souvent des rainures, ce qui permet en fait au venin de glisser et de s'injecter et de s'infiltrer depuis des glandes qui peuvent être aussi, elles aussi, très très variées en forme, en type, etc. Donc vous avez vraiment une sorte de canal dans la dent, voire même des tubes, pour injecter le venin. Alors, quelques exemples. Le Solenoglyphus, par exemple, c'est un groupe de serpents, ont des crochets qui sont longs, tubulaires et attachés à la mâchoire supérieure. Et ce qui est super cool, c'est qu'ils peuvent se rétracter le long de la mâchoire supérieure quand le serpent ne s'en sert pas. C'est vraiment, je sais pas, comme un opinel, par exemple, quand vous sortez la lame d'un opinel pour l'utiliser, bah là, c'est pareil, les crochets de serpent sont vraiment rétractés le long de la mâchoire, plutôt repliés le long de la mâchoire et peuvent être sortis et être utilisés comme seringues, puisqu'ils sont vraiment creux pour injecter le venin. D'autres serpents, comme les Proteroglyphus, eux, ont des crochets qui sont plus petits, mais qui reste attaché à la proie tant que le venin n'a pas fait effet. Donc ici, on a vraiment un serpent qui mord et qui ne lâche pas tant que l'effet n'a pas été produit. Et donc, évidemment, les dents ont une forme adaptée pour pouvoir faire cette action. On a déjà parlé des chauves-souris vampires, hein, qui possèdent des incisives modifiées. Et ce qui montre au passage, d'ailleurs, que les dents évoluent très très vite. C'est une structure qui évolue incroyablement au sein de l'évolution. On a des formes incroyables, et donc finalement c'est pas étonnant de voir autant d'adaptations sur cet organe fascinant, puisqu'on a l'impression que dans le réseau de gènes qu'il y a derrière, on a des points de faiblesse qui facilitent cette évolution. Un autre moyen d'injecter du venin, on l'a vu, ce sont les aiguillons. Et eux aussi, ils sont extrêmement diversifiés. Ceux des stingrays, suivant les espèces, peuvent avoir des petites barbules. Vous imaginez ce que ça fait des petites barbules, quand vous injectez l'aiguillon, bah vous allez avoir du mal à le ressortir, ou vous allez bien détruire la chair au passage. Comme un harpon, quoi. Voilà, c'est comme un harpon, exactement. Ce qui permet de faciliter l'injection du venin, mais aussi de bien, voilà, bien ouvrir la chair, etc. Et peut créer donc plus de dommages. Chez les scorpions, on a aussi une grande diversité d'aiguillons. Il y a des gens qui ont regardé ça, donc qui ont fait de la morphométrie, pour étudier vraiment c'est une science qui étudie la variation des formes, hein, anatomiquement. Et ils se sont rendus compte que, voilà, on avait une grande diversité des aiguillons pour injecter le venin. On peut parler aussi des stinging cells. Donc, c'est les cellules qui sont des petits harpons présents chez les méduses. On a aussi une grande diversité. Certaines méduses ont des petits et d'autres des très grands, et qui peuvent être extrêmement variables en termes de taille, de mode d'action et de résistance aussi. Les filaments de certaines anémones, par exemple, sont si fins qu'ils sont adaptés à leur proie. Et vous savez, certaines anémones, si vous les touchez, même si elles sont venimeuses, bah, ça ne va rien vous faire, parce qu'elles ne sont absolument pas adaptées à passer la barrière de la peau humaine. Donc, on est en quelque sorte immunisé contre ça. Par contre, on en a d'autres, les filaments vont passer la barrière de la peau humaine et ça va nous brûler et nous faire du mal. Et d'autres, à l'inverse, comme les filaments de la méduse boîte, donc à l'inverse par rapport aux filaments qui ne font rien, la méduse boîte, dont j'ai déjà parlé au début, a des filaments qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de long et qui possèdent en fait au bout, je ne sais pas si on peut mettre cette image dans la chatroom, peut-être qu'on la mettra plus tard, de la revue Science, qui peut faire jusqu'à 3 mètres de long et qui possède un organe qui s'appelle le cnidocyste, qui est un organe assez complexe au bout, dont les méduses, en général toutes les méduses ont cet organe, qui vont permettre d'injecter le venin via une espèce de seringue rétractable dans cette cellule. Et cette espèce de seringue va injecter le venin dans la peau humaine. Et la douleur provoquée par ces méduses est d'ailleurs si forte qu'elle peut aller jusqu'à la mort des personnes. Et elle est intolérable et elle peut durer jusqu'à plusieurs jours. Il y a des témoignages de gens qui se sont fait piquer par ces méduses, soit qui n'ont pas témoigné, soit qui en sont morts parce qu'ils se sont noyés, parce qu'ils n'arrivaient pas à revenir à la plage, soit parce qu'ils se sont fait piquer, ils sont revenus à la plage et ils ont enduré un supplice pendant 3 jours. Il est charmant cet épisode. Il est charmant cet épisode. Moi j'adore. Les trucs dégueulasses où les gens meurent, tout ça, on aime bien. Moi j'ai lu les un harpons. Truc marrant. J'ai lu un truc marrant là-dessus, c'est que sur la base des structures qui permettent d'injecter du venin, il y a certains paléontologues qui ont proposé que des dinosaures comme ceux du genre, alors je le connaissais pas avant de chercher, hein, mais le cynornithosaure, ou alors d'autres raptors du même genre, auraient probablement chassé en utilisant du venin. Voilà, même Jurassic Park l'avait pas vu venir. Du coup, comme on disait plus tôt, si on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples d'oiseaux venimeux, alors que théoriquement ce sont les descendants de ce genre de dinosaures, c'est probablement, comme tu disais, que le coût évolutif était trop fort, et on peut faire l'hypothèse qu'avec l'invention du vol, etc., le venin se soit devenu un peu obsolète pour se défendre, puisqu'on peut s'envoler, et du coup que l'appareil pour sécréter c'est devenu un poids mort plus qu'autre chose, et qu'il a été perdu chez les oiseaux. Oui, effectivement, ça peut tout à fait être une bonne explication. Et aussi, je sais que, alors je sais pas pour des dinosaures, mais je sais pour d'autres espèces, je parlais tout à l'heure des dents de serpent qui sont creuses ou en tout cas qui ont des petits canaux pour agir comme des seringues. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut regarder facilement chez les fossiles. Et du coup, en regardant la forme des dents, s'il y a des rainures, etc., liées à des potentielles glandes à venin qui ne fossilisent pas, elles, on peut inférer la présence ou non de venin et de chez ces animaux morts fossiles parce qu'on peut regarder leurs dents. Les dents, encore une fois, très importantes pour l'étude de l'évolution du registre fossile, etc. Alors bon, on a parlé de tout ça, on a parlé des structures de venin, on a vu qu'on avait une grande diversité, mais finalement, on n'est pas rentré dans ce que font les venins réellement à votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez mal? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez vous êtes paralysé par un venin dans notre corps? Alors, juste avant d'arriver à cette question, on va d'abord très rapidement parler de l'identification des venins. Comment est-ce qu'on fait pour d'abord caractériser un venin, pour comprendre son mode d'action? Alors, comme on l'a vu pour certains taxons, certaines méduses, les insectes, etc., les venins sont encore très largement méconnus pour plein d'espèces, tout simplement parce qu'on en a tellement qu'on ne les a pas forcément toutes caractérisées, mais aussi parce que c'est finalement assez récemment qu'on a disposé de toutes les techniques réellement efficaces pour commencer à vraiment pouvoir séparer les constituants des venins, les étudier, etc. Et donc, pour certains, on a une idée assez précise de leur composition. Alors, on va utiliser des protéines, un arsenal de ce qu'on utilise pour étudier les protéines. On utilise de la biologie moléculaire pour essayer de comprendre de quoi est composé le venin, comment il agit, comment le combattre. Et on a vu avec l'exemple de la stingray et d'autres que le venin pouvait être en certains cas tué par la chaleur. Donc, dès le départ, en fait, on pensait, avant même d'avoir toutes ces techniques, que les venins étaient majoritairement protéiques. Ce qui est le cas, en fait, de beaucoup de venins qui sont en général un mélange de protéines, d'enzymes, qui sont des protéines, hein, de peptides plus simples et aussi de sels, alors dans des proportions plus ou moins variables. Mais si c'est des protéines, ça veut dire qu'on peut les étudier d'un point de vue protéique, en étudiant le venin lui-même, mais aussi dans le génome, puisque les protéines sont issues des gènes, donc ce qui veut dire, et ça on en a déjà parlé, qu'en regardant le génome des individus, ce qui est maintenant possible avec la génomique à grande échelle, on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et comment ces venins peuvent agir. Alors, ce qui corse quand même les choses quand on veut étudier les protéines et leur action, c'est que c'est plus complexe d'étudier les protéines que les gènes. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas bien caractériser. Mais en tout cas, parmi les techniques qu'on utilise, on a la chromatographie HPLC, qui permet d'isoler les différents composés des venins, l'électrophorèse, la spectrométrie de masse qui est très largement utilisée pour le produit final, et comme je l'ai dit, les gènes, les venins, etc. Et grâce à ça, on a pu identifier quand même un certain nombre de venins. Donc là, je pourrais en parler pendant des heures et on en est déjà à une heure d'émission, donc on va se limiter. Mais je vais en citer quelques-uns. Le venin des chauves-souris vampires, par exemple, est entre autres composé d'une protéine qu'on a appelée la draculine et qui est de plus en plus étudiée, puisque comme elle provoque l'anticoagulation, elle est notamment en essai clinique actuellement pour faire des anticoagulants qui seraient mieux tolérés par les organismes. Donc voilà, ça c'est typiquement l'exemple d'un venin qu'on a caractérisé par l'étude de la génomique et aussi des protéines. On va reparler de l'ornithorynque aussi, puisque l'étude de toutes ces techniques sur l'ornithorynque a permis de voir qu'il possédait en fait 83 toxines différentes. Oui, 83 toxines différentes. Donc vraiment, étudier ces venins avec toutes ces techniques permet de les caractériser. Et donc, bon, voilà, après cette partie un petit peu technique, on va arriver à cette partie très intéressante qui est comment agit le venin, si l'ornithorynque a 83 toxines, où agissent-elles, d'où viennent-elles, etc. Alors, on a vu déjà pas mal de choses hein, à travers tous les exemples qu'on a cités. Certains provoquent la paralysie, certains sont anticoagulants, certains sont simplement douloureux. Et en fait, on se rend compte que les venins s'attaquent à peu près à tous les niveaux physiologiques. Dans la chatroom, on va vous mettre une image qui montre un peu où tous les modes d'action des venins. Et on peut voir qu'en fait, les différentes espèces qu'on a évoquées déjà et dans l'arbre du vivant, en fait, peuvent s'attaquer un peu à tous les niveaux physiologiques en fonction du type de réponse souhaitée. Alors, les abeilles, par exemple, qui ont plutôt un mode défensif, on a, je pense, tous expérimenté leur venin qui fait assez mal. Mais lorsqu'on se fait piquer, on n'a pas simplement mal, on a aussi une sensation de chaleur, ça brûle. Et on peut penser que c'est pas, évidemment, l'abeille n'allume pas un feu sur notre peau. Mais en fait, le venin contient de la mélitine qui active les récepteurs à la chaleur de la peau. Donc, quand on dit que ça brûle, en fait, ça brûle réellement, dans le sens sensation. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand on est brûlé par une flamme, on active ses récepteurs de chaud. Et ben, l'abeille, elle fait pareil, mais chimiquement. Elle active les récepteurs de chaud, ce qui fait qu'on a cette sensation de douleur. C'est comme la capsaïcine chez le piment. Voilà, sur la langue. C'est sur la langue ou sur les mains. Les muqueuses, oui, c'est vrai. Pas terrible, ça fait mal. Ça pénètre, ouais, bien... Si tu te frottes les yeux après avoir mangé du piment, c'est sympa aussi. Ah non, mais pas que... Enfin, voilà, moi, je peux parler de cette expérience personnelle puisque ça m'a marqué. J'ai fait du curry, donc j'ai découpé du piment sans gants et tout, machin. Et en fait, j'aurais jamais dû faire ça parce que quelques heures après, ben, mes mains ont commencé à brûler comme si j'avais mes deux mains sur une plaque chauffante. Sauf que je ne pouvais pas les enlever, quoi, parce qu'il n'y avait pas de plaque chauffante. Donc, c'est très douloureux. Ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça chez vous. Ne reproduisez pas nos expériences. On a d'autres animaux aussi. Alors là, effectivement, on a parlé du chaud. On en a un autre, le poisson scorpion diable, qui, lui, par contre, ne donne pas du tout une impression de chaud. Il signale par ses couleurs qu'il est toxique. Il a un ornement rouge sur le corps. En général, on dit souvent que les animaux qui ont des ornements comme ça très très voyants, c'est un signal. Lui, il est défensif et son attaque va aller perturber les jonctions neuronales au niveau des récepteurs à l'acétylcholine qui sont impliqués dans la douleur. Et du coup, ici, on a un autre type de poison où on a un poison du coup qui vraiment va activer directement la douleur. C'est très très pernicieux puisqu'on agit ici directement sur la stimulation de ces circuits-là. On a d'autres poissons comme le petit roi qui est aussi défensif, qui a aussi un venin qui est neurotoxique et qui provoque une douleur extrême, la nausée, la fièvre, une difficulté à respirer. On peut aller jusqu'aux convulsions, confusion, des maux de tête, de la transpiration et parfois la mort même. Donc voilà, là on a vraiment un cas extrême de venin neurotoxique qui va agir également au niveau des synapses et qui va provoquer toutes ces sensations. Je t'interromps, je suis désolée, c'est quand on le mange ou quand on se frotte au poisson ? Alors, pour le terroir, il a des petites structures pour injecter. Donc, en fait, si tu le touches, c'est défensif. C'est quand on le touche, d'accord. Voilà, tu peux avoir effectivement ça. Alors après, évidemment, quand les espèces qui le mangent, Fortement se retrouvent aussi plutôt en mauvaise posture, puisqu'en plus elles se prennent beaucoup de venin. Ouais, quoique sinon on le mange en cuisant, peut-être ça détruit le venin. Alors ça dépend, tu as des poissons, j'en parlerai un peu plus tard, hein. Il y a des gens qui mangent des poissons effectivement qui sont venimeux, ou il y a ce, j'ai oublié son nom là d'un coup, ce poisson qui est préparé au Japon. Bah lui, typiquement, s'il est mal préparé, il me semble qu'il y a eu des morts. Hein. Oui, c'est le fougou. C'est ça. Lié à ça. Donc effectivement, certains cas, si c'est bien préparé, on peut ne pas en mourir. Il faut quand même faire un petit peu, un petit peu attention. Ouais. Donc là, c'est pour tout ce qui est neurotoxique. Je n'ai pas encore rentré dans les détails sur tout ce qui est hématophage, en tout cas pour les chauves-souris, parce que j'en ai déjà abondamment parlé. Sachez juste que ces venins agissent sur la chaîne de coagulation. Vous savez, quand vous saignez, ce qui se passe, c'est que vous avez toute une chaîne de facteurs qui se met en place pour entraîner à la fin la coagulation du sang, notamment en utilisant les plaquettes sanguines qui vont former un caillot qui va ensuite former une croûte, et c'est comme ça qu'une hémorragie s'arrête. Donc la draculine agit assez en amont de la chaîne pour ça, mais d'autres animaux comme le Lonomia moth caterpillar, donc c'est une grosse chenille de papillon, en Amazonie, agit aussi sur la chaîne de coagulation pour provoquer des hémorragies, mais dans l'autre sens. C'est une chenille qui est extrêmement dangereuse. Lorsque ces petits piquants rentrent en contact avec la peau, ils vont libérer un venin qui va, lui, provoquer une coagulation intravasculaire massive dans tout l'organisme. Ce qui veut dire que dans tous vos vaisseaux sanguins, partout, vous allez coaguler. Donc ça a deux dangers. Le premier, c'est d'avoir un caillot qui vous arrive dans les poumons et faire une embolie pulmonaire ou au cerveau, et bon, voilà, avec une attaque. Mais vous risquez aussi de mourir d'hémorragie. Alors vous allez me dire comment. Vous risquez de mourir d'hémorragie juste parce que vous allez utiliser toutes vos plaquettes pour coaguler massivement partout. Et donc vous allez les victimes de ces attaques de chenilles saignent de l'intérieur en fait. Ça peut commencer par le nez qui saigne, les yeux qui saignent, et ensuite une défaillance viscérale générale de tous les organes qui se mettent à saigner. Donc ça, c'est une autre stratégie. Ouais, il y a des choses vraiment très sympas. J'adore quand elle décrit ça avec ça. C'est trop bien. On imagine trop bien le tableau. Le tableau des gens qui saignent de l'intérieur, ouais, c'est... Voilà, donc bon, voilà, c'est une autre stratégie qui utilise aussi la coagulation de façon opposée, en arrivant un peu finalement finalité. Les méduses, elles, ont certaines, pas toutes, une autre stratégie. Certaines contiennent dans leur venin une porine. Alors c'est quoi une porine? C'est une molécule qui va se lier dans les parois de certaines cellules et qui va ouvrir des trous dans ses parois pour les faire se vider. Et notamment, l'une d'entre elles va avoir une porine qui se met sur les globules rouges, ce qui va vider les globules rouges. En fait, les globules rouges, on ne veut surtout pas qu'ils se vident dans le sang parce qu'ils ont du potassium, qui n'a pas l'air très dangereux comme ça, mais qui, en fait, lorsqu'il est libéré en grande quantité dans le sang, et ça, je pense qu'Irène, c'est quelque chose peut-être que tu as déjà vu, peut provoquer des arrêts cardiaques. Oui. Et voilà, c'est très dangereux. Donc ça, c'est un moyen d'action des venins. Pour finir, car on pourrait encore une fois en parler pendant des heures parce qu'on a des stratégies à tous les niveaux des venins, on a des venins paralysants, comme chez certains serpents par exemple. Serpents ont aussi des venins hémorragiques ou nécrotiques, mais certains donc paralysants. Le cobra indien, par exemple, ou le bongar indien, possèdent des venins neurotoxiques qui agissent sur les synapses neuromusculaires, donc à la jonction entre le nerf et le muscle, et en fait, ils sont capables d'agir soit avant, soit après la synapse, et donc de paralyser, d'entraver le fonctionnement de cette synapse, et donc de paralyser complètement les gens, puisque vu que l'influx nerveux ne se fait plus entre donc le nerf et la synapse, et ben on n'est plus capable de bouger, on n'est plus capable non plus de respirer, et on n'est plus capable d'avoir un cœur qui fonctionne correctement. Et du coup, ces venins peuvent entraîner la mort de cette façon. Et donc, évidemment, là, j'ai parlé que de certains types, mais en fait, plus on étudie les venins, plus on découvre des modes d'action hémolytiques, donc ça, on en a parlé, myotoxiques, ceux qui provoquent la nécrose, des safratoxines, des venins vasodilatateurs, tout ce que vous pouvez imaginer, ou presque, finalement, la nature l'a fait avec ses venins. Et des fois, le timing de nos épisodes tombe super bien parce que j'ai cherché quel était le poison du Gimpy Gimpy, enfin le venin du Gimpy Gimpy, du coup, donc le fameux arbre piquant australien géant en anglais, ce qui est quand même vachement intimidant. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de données. Et là, il y a une publi qui est sortie en septembre de cette année où ils ont cherché à savoir pourquoi est-ce que ce Gimpy Gimpy faisait si mal. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait des neurotoxines qui étaient un peu similaires à ce qu'on trouverait chez des animaux venimeux. En l'occurrence là, ils ont fait des extraits des poils et puis ils ont séparé les composés grâce à la technique dont tu parlais auparavant, la HPLC. Donc ça, c'est un acronyme pour dire chromatographie en phase liquide de haute performance. C'est un nom compliqué pour une méthode assez simple en fait, hein. La chromatographie, c'est ce que vous avez déjà tous fait chez vous un peu sans le vouloir quand vous avez une feuille de papier recouverte de feutre et que elle trempe par inadvertance dans une petite flaque d'eau. Vous voyez tous les pigments du feutre qui se retrouvent entraîné comme ça par capillarité, et votre illustration super réaliste dont vous étiez super fière, ça devient un peu un chef-d'œuvre d'art abstrait. Bah là, c'est pareil, on utilise la migration du coup des molécules dans un solvant. Chaque type de molécule va migrer un peu à son rythme, et du coup, ça permet de séparer les composés d'un mélange de quelque chose. Voilà, c'est le principe. Ça va, c'est compréhensible. Oui. Et là, en l'occurrence, ils ont isolé un petit groupe de protéines. Quand c'est petit, on appelle ça des peptides en biologie, et ils ont eu le plaisir de les nommer, donc ils les ont appelés les gimpitides. Et donc, il y en a deux en particulier qu'ils ont étudié, l'excelsatoxine et la moroïdotoxine, qui viennent directement du nom latin de la plante. Et quand c'est injecté dans la patte d'une souris de laboratoire, et ben ça provoque exactement les effets neurotoxiques décrits quand on a une piqûre chez les humains. Donc, eureka, on a trouvé un venin. Voilà. Donc j'imagine que voilà, ce procédé c'est de découverte, ça fonctionne un peu pareil pour tous les animaux, même si on n'a pas exactement la composition de tous les venins du monde. Oui, c'est exactement ça. Pour les animaux, je pense que j'en suis même sûre, la majeure partie est complètement inexplorée et on le fait exactement de la même façon. Et ça en lien avec une question qui est dans la chatroom, donc on reviendra en fin d'émission là-dessus, qui est on ne connaît pas la composition de tous les venins du monde, et pourtant il y a plein de choses à découvrir, et ça peut même être très utile, puisqu'on peut s'en servir pour l'homme, et on reviendra à la fin de l'émission là-dessus. Ce qu'on a vu, c'est que voilà, le venin, on ne connaît pas forcément toute sa composition, on ne sait pas non plus toujours comment il marche, même si on a des idées. Et la question qu'on se pose aussi, c'est si le venin, en fait, attaque les jonctions neuromusculaires, hématophages, etc. Comment il a apparu ? Comment est-ce que ces toxines qui ciblent des paramètres physiologiques si précis, finalement, ont-elles évolué ? Une des hypothèses est qu'elles ont évolué à partir de gènes, alors j'aime pas dire sains, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais de gènes physiologiques, en tout cas, qui sont impliqués dans ces réponses-là, chez des espèces, et que ces gènes ont été ensuite détournés de leur fonction initiale. Alors là aussi, on peut vous mettre une image dans la chatroom qui est tirée de papier là-dessus, qui explique comment ça peut se passer. On a un gène qu'on peut appeler physiologique au départ, donc qui a une fonction de maintenance de la physiologie de l'organisme, qui va être dupliqué. Vous savez, des fois, les gènes, en fait, l'évolution se passe par copy-paste, vraiment, donc copier-coller. On copie un gène dans le génome, et on a deux copies différentes. Soit cette copie supplémentaire peut être éliminée, soit elle peut accumuler des mutations différentes qui vont lui donner un nouveau rôle. Et on pense que c'est comme ça que beaucoup de toxines ont évolué. Elles sont parties d'un gène physiologique et elles ont pu acquérir de nouvelles fonctions. Et ça, on le sait grandement grâce aux données génomiques, justement, qui nous permettent de retrouver des deux copies et qui nous permettent aussi d'étudier l'évolution de ces venins aussi. Donc, partant de cette évolution, on se dit, voilà, si on a fait du copy-paste, ça peut aussi expliquer pourquoi on a des venins de familles très très différentes qui font la même chose, puisque finalement, ils sont partis au départ d'un gène qui était présent un peu chez tout le monde ou chez un grand nombre d'organismes, mais qui a pu acquérir indépendamment une fonction toxique. Donc, en général, les mutations sont un peu différentes, mais on a les mêmes gènes qui sont recrutés en fait. Et ça, on s'en est rendu compte en étudiant ce qu'on appelle les convergences, donc cette évolution similaire dans des familles d'animaux ou d'espèces très différentes. Par exemple, on s'est rendu compte que le venin des cobras cracheurs était convergent entre les cobras d'Asie et d'Afrique. Les deux ont évolué complètement indépendamment, les deux sont très loin les uns des autres, et pourtant, indépendamment, ils ont acquis un mécanisme qui permet de booster les toxines qui agissent au niveau du PLA2, donc c'est la des phospholipoprotéines, qui va potentialiser l'action des cytotoxines de ces venins pour augmenter la douleur ressentie par les mammifères. Donc ça se joue vraiment au niveau de ces venins neurotoxiques. Et indépendamment, on a recruté le même mécanisme chez ces cobras cracheurs au cours de l'évolution pour faire ça. L'exemple le plus cool, je pense, c'est encore une fois l'ornithorynque et Niv a dit, je crois, dans la chatroom qu'on pourrait en parler pendant 4 heures, et c'est vrai. On a dit tout à l'heure qu'il contenait 84 toxines. Et en réalité, lorsqu'on regarde ces toxines, beaucoup d'entre elles ressemblent à des toxines produites par d'autres animaux. On retrouve des toxines qui sont proches des serpents, des araignées, des anémones, de plein d'autres lignages. Et notamment, voilà, on peut expliquer ces différences et ces ressemblances entre le venin de l'ornithorynque et celui produit par plein d'animaux par des convergences. Alors ensuite reste à se poser la question de pourquoi l'ornithorynque a cette diversité et pourquoi finalement il a évolué en même temps toutes ces stratégies différentes. La question reste ouverte et ça montre aussi qu'on a beaucoup de choses à faire. On a aussi d'autres exemples de convergence chez d'autres espèces. Le blocage des canaux potassium, par exemple, est présent, qui sont présents à la jonction neuromusculaire, donc pour paralyser, par exemple, et retrouvé chez les cnidaires, donc tout ce qui est méduses, etc., mais aussi chez des escargots, aussi chez des hyménoptères, donc les guêpes, les abeilles, etc., et chez des scorpions, qui sont tous très éloignés, mais dont les mécanismes de venin ciblent tous cette jonction neuromusculaire pour la paralysie. Pareil pour ce qui est activation des canaux sodium présents chez les scorpions et les araignées. On a cette stratégie à leur niveau pour attaquer, alors que les scorpions et les araignées sont quand même très, très éloignés. Et plus étonnant encore, et ça va plaire à Léa, il existe des cas de convergence non seulement au sein des animaux, mais plus largement dans le vivant, puisqu'on a des cas de convergence entre ce qui s'appelle les stinging trees, qui sont des arbres d'Australie, qui contiennent des neurotoxines. C'est celui dont tu parlais, là. C'est celui dont tu parlais, effectivement, et qui sont très proches, voilà, des araignées et des escargots. Et ça, je voulais en reparler ici, parce que c'est encore de la convergence. Donc bon, c'est fascinant, on se rend bien compte de cette évolution à plus large échelle grâce à ça. Mais en fait, l'évolution va aussi avoir un rôle sur l'évolution du venin dans le temps et de son adaptation aux proies et aux agresseurs. Parce que là, on a parlé de l'évolution, de l'apparition du venin. Mais en fait, le venin va évoluer aussi en fonction de la réponse des proies. On parle de course aux armements. Il me semble que Topo vous a déjà parlé de l'hypothèse de la reine rouge, des choses comme ça. C'est cette hypothèse entre deux caractères qui évoluent en parallèle lors de la prédation. On parle de la reine rouge parce que vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, on a la reine rouge qui court et Alice qui doit courir derrière pour rattraper. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe en fait. On a l'évolution du venin qui va cibler une proie en particulier, mais la proie va peut-être évoluer pour résister à ce venin et s'échapper. Donc le venin va devenir plus puissant, la proie va devenir plus résistante, etc., etc. C'est ce qui se passe aussi dans la résistance aux antibiotiques. Donc voilà. Et dans l'excellent épisode que nous a fait Chloé sur les défenses des plantes, où on a exactement cette même course à l'armement de défense, anti-défense et ainsi de suite. Exactement, ouais, très bon exemple. Et merci Chloé, c'est vraiment c'est exactement la même chose qui se passe chez les animaux et les plantes. Et d'ailleurs, pour cette course aux armements, j'ai justement des exemples d'animaux qui sont intéressantes. La mangouste, par exemple, est devenue résistante au venin. Deux espèces de hérissons, des blaireaux, des opossums, mais aussi des moufettes peuvent par exemple manger des serpents sans craindre d'en mourir parce qu'elles sont devenues résistantes. Donc là encore, l'évolution a plein de merveilles à nous apprendre. Et je peux en rajouter une ? Oui. Bah oui, parce qu'il faut la représentation végétale des minorités hein, quand même. Sur le Gimpy, du coup, il y a certains insectes et animaux qui sont capables de le manger sans rien, et c'est le cas de scarabées nocturnes, ça s'appelle les Prasiptera masteri, ou même de petits mammifères comme le pademelon à pieds rouges. le Tylogale stigmatica. Ils savent pas encore comment ils y résistent, mais ils ont appris à ne pas se faire bolosser par le Jimpy Jim. Eh bien, c'est une transition parfaite, parce qu'on va en parler dans la partie suivante, qui est l'une des dernières parties d'ailleurs, qui est, on a vu plein de choses sur le venin, on n'a pas vraiment vu comment le combattre. Donc on va revenir sur comment combattre un venin de la part pour l'homme, par contre, hein, puisque quand même, si on se fait avoir, c'est quand même important, mais aussi comment les espèces font pour résister au venin. Alors, on a vu que les venins sont aussi très diversifiés, et en particulier qu'on a des venins qui sont composés de toxines très très différentes, pensons à l'ornithorynque. Du coup, c'est un vrai casse-tête si on veut faire un remède, parce que comment faire pour synthétiser des antivenins pour des espèces aussi différentes ? Il paraît évident qu'on ne va pas synthétiser un antivenin complètement universel parce que ça ne marcherait pas. Il faut donc vraiment étudier tous ces venins dans le détail pour pouvoir caractériser, synthétiser des antivenins et avoir des choses qui sont efficaces. Et il y a même des gens qui se demandent si ça vaut le coup, parfois, de synthétiser des antivenins, puisqu'ils peuvent juste cibler quelque chose de très très précis. Alors là, pour savoir ce qu'on va développer comme antivenin, ça va dépendre de beaucoup de choses. De la létalité du venin, donc à quelle vitesse il tue, de ce qu'il provoque, des conséquences, etc. Et par exemple, si on repense au stingray, c'est pas très intéressant de développer un antivenin contre le stingray. Parce que finalement, ça fait mal, mais on peut facilement le tuer avec la chaleur, etc. C'est, ça n'a pas vraiment de grandes conséquences. Pareil pour les moustiques. Bon, la piqûre de moustique, elle nous gratte, mais finalement, si le moustique n'est pas porteur d'une maladie quelconque, on n'a pas vraiment de raison de fabriquer un antivenin. Idem pour la chauve-souris vampire, pour l'homme, bon, voilà, elle nous mord si elle ne transmet pas une autre maladie, et ben, c'est pas très très dangereux. Par contre, pour d'autres, là, c'est intéressant. Et pour savoir si un venin est toxique ou pas, on se base sur plusieurs choses. La première chose sur laquelle on se base, c'est un index qui s'appelle la LD50 pour la dose létale médiane 50. Donc c'est la dose qui tue en fait en milligrammes par kilo, qui est nécessaire pour tuer la moitié d'un groupe d'animaux test. On prend 100 souris, par exemple, on leur injecte du venin, et la LD50, c'est la dose en milligrammes par kilo qui est nécessaire pour tuer 50 de ces souris sur 100. On n'utilise pas forcément des souris, on peut utiliser d'autres animaux aussi, en fait, on varie énormément. Donc évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas forcément un indice qui est extrêmement vrai toujours pour l'homme, etc. Mais c'est un indice qui nous permet de classifier la toxicité des venins les uns par rapport aux autres. Ainsi, la méduse boîte australienne dont j'ai déjà parlé possède l'un des venins les plus dangereux. Sa LD50 est à 0,011, ce qui signifie qu'en fait, avec une très très très petite dose, on va tuer la moitié des animaux de laboratoire et elle va être très très très très dangereuse. On a certains cobras qui ont ça aussi, des LD50 qui sont aussi basses. Certains serpents à sonnette ne sont pas très loin avec 0,03. Notre amie la stingray, par contre, bon, comme je l'ai dit, c'est pas très dangereux. Elle a un LD50 de 28, ce qui veut dire qu'il en faut quand même énormément pour tuer. Voilà, donc on a ces variations. Par contre, évidemment, la LD ne fait pas tout. Rappelez-vous, on a dit que les animaux n'injectent pas forcément la même quantité de venin. Et ça va être quelque chose à prendre en compte aussi, parce que vous pouvez très bien imaginer que si on avait une stingray géante qui injectait des quantités de venin énormes, là, ça pourrait devenir dangereux. Par contre, si une méduse boîte, par exemple, n'injecte si peu qu'on est même en dessous de cette quantité nécessaire pour nous tuer, elle sera pas vraiment très dangereuse en fait. Donc on prend en compte cet indice, mais on prend aussi en compte la quantité injectée et le mode d'injection aussi, qui va évidemment faire varier la donne. Rappelez-vous la chenille de papillon là qui provoque des hémorragies de la mort horrible par supercoagulation. Ben elle, sa LD50 est à 9,5, ce qui est assez haut en fait. Mais cependant, son mode d'action est si important que ce venin est absolument redoutable. Et puis pour finir, comme j'en ai parlé au départ, la LD50 est déterminée sur des animaux de laboratoire. Et en fonction de leur physiologie, ben, ça peut varier d'un animal à l'autre. C'est donc pas un indicateur absolu, mais en prenant en compte tout ça, on peut quand même déterminer si ces venins sont dangereux. Ceci étant posé, comment est-ce qu'on détermine l'antivenin ? Tout simplement de la même façon qu'avec un vaccin, en fait. Parce que le système immunitaire, même s'il est souvent dépassé lorsqu'on a un venin, il n'a pas le temps de réagir aussi vite. Vous savez, pour le système immunitaire, on a une réponse qui est très rapide, une première réponse du système immunitaire qui va être basée sur des macrophages, etc., qui va combattre en fait une infection ou l'action d'un venin tout de suite. Mais ensuite, on a une deuxième réponse qui se met en place. C'est le principe sur lequel sont basés les vaccins, ce qui est la mémoire immunitaire avec la production d'anticorps qui, eux, vont agir à long terme pour combattre, par exemple, une infection ou un venin d'ailleurs. Et du coup, ce qu'on va faire pour faire dans les antivenins, c'est qu'on va récupérer des anticorps qui peuvent être après injection de certaines toxiques, à certaines toxines, certains venins, par exemple, à de toutes petites doses, suffisantes pour produire des anticorps, mais pas pour tuer. On fait ça sur des chevaux, par exemple, parce qu'ils sont très grands et donc on peut récupérer beaucoup d'anticorps ou d'autres animaux. On peut aussi faire ça à partir de personnes qui ont été qui ont été mordues par des serpents ou des choses comme ça. On peut récupérer leurs anticorps après quelques temps pour les utiliser pour produire de l'antivenin. Et là, on va revenir à ce dont Eléa parlait juste avant, qui est on peut aussi récupérer des anticorps de certains animaux qui sont immunisés naturellement contre des venins. Par exemple, les opossums résistent bien aux venins, notamment de vipères, parce qu'ils produisent constamment des anticorps contre eux. Donc, si on récupère des anticorps d'opossums et qu'on les étudie et qu'on les reproduit, on va pouvoir avoir, par exemple, une bonne base pour faire des antivenins de vipères. Par contre, pour d'autres animaux comme les mangoustes, eux, ils ont d'autres stratégies pour résister aux venins. Ils résistent aux venins parce qu'en fait, leurs récepteurs sur lesquels les venins se fixent, donc certains types de venins, hein, pas tous, sont modifiés. Donc en fait, ici, on a vraiment, encore une fois, une coévolution entre la proie et l'attaquant, puisque là, c'est carrément le génome, les protéines, et donc après, les protéines de ces espèces qui sont modifiées, ce qui fait que les venins ne vont plus agir. Et ce genre d'immunité, évidemment, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour faire des antivenins, parce que c'est quelque chose qui est génétique, qui est directement une modification du génome de l'individu, et non pas un anticorps. Donc voilà, donc on peut se baser sur tout ça pour les venins, mais majoritairement sur cette histoire d'anticorps, puisque ça nous permet de répondre facilement aux venins. Bon, je tenais à préciser pour les gens dans la chatroom qui seraient en quête de reconversion professionnelle que le fait de prélever un venin sur un animal pour après l'envoyer à des laboratoires pour l'étudier et trouver des antivenins, c'est un métier. En anglais, ça s'appelle « snake milker ». Donc trailleur de serpents, et donc voilà, apparemment c'est en plein boom, on cherche des trailleurs de serpents, si vous voulez changer de vie, c'est le moment. Je vous mettrai un lien dans les notes d'émission pour aller voir une fiche sur ce métier fascinant qui est le snake milking. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant, tu disais que c'était finalement assez bien payé, 30 000 dollars par an. Au moins, entre 30 000 et 60 000 dollars par mois, selon cette fiche de métier. Par mois, ouais. Par an. Ce qui est le salaire d'un chercheur, finalement. Moins, même plus, même. Voilà. Voilà, si vous voulez être payé décemment pour traire des serpents, vous pouvez. Allez-y. Mais moi, je rebondis là-dessus parce que, du coup, la recherche sur les antivenins, c'est quand même c'est beaucoup basé sur des modèles animaux. On doit prélever beaucoup de choses sur des animaux et notamment des anticorps. Et pour ça, il faut leur prélever du sang. Donc, il faut saigner des animaux pour récupérer des anticorps. C'est un peu violent, comme ça, dit comme ça. Et du coup, je voulais parler un peu des antivenins qu'on peut trouver dans le règne végétal parce qu'on a quand même moins de problèmes psychologiques à bolosser des plantes. Globalement, hein. Donc, je voulais raconter quelques anecdotes sur l'élaboration et la découverte d'antivenins dans le monde végétal. Et parce que du côté plante, là, il y a des choses à dire. Alors, déjà, si on regarde dans des vieux herbiers ou des vieux traités de pharmacologie ou même des recettes de grand-mère ou d'herboristerie, il y a toutes sortes de plantes qui sont mentionnées en vrac comme étant des antivenins dans la tradition populaire. Pour en faire la démonstration à moi-même de ce que je disais, parce que j'étais quand même pas sûre de ce que je disais, j'ai pris le premier bouquin qui venait dans mon étagère, parce que j'en ai toute une collection. Et si je regarde dans une encyclopédie de médecine herbaliste, de Encyclopedia of Herbal Medicine, je trouve deux plantes qui sont associées à venin dedans. J'en trouve une qui s'appelle Dorstenia contra hierba. Contra hierba, ça veut dire antidote en espagnol. Et du coup, c'est une plante mexicaine qui est réputée pour traiter les morsures de vipères, etc. Les gens s'en font des cataplasmes de racines. Je trouve la fraxinelle aussi, qui est une plante qu'on utilisait comme antipoison, antivenin, anti-avortement, etc. Mais il y a peu d'études scientifiques sur leurs usages. Mais il y a aussi de vraies études. Et en fait, comme on ne peut pas tester l'ensemble des plantes qui existent, sur des propriétés anti-venin, ce que font les gens, c'est qu'ils s'en réfèrent à des témoignages d'usage traditionnel et qui partent de là, en fait, pour orienter leurs études sur les anti-venins. Et c'est de ce dont je vous parlais dans l'épisode 401 sur l'ethnobotanique, donc l'étude des rapports entre les plantes et les sociétés humaines, qui s'appelait « Des épis et des hommes », je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a certaines personnes qui font des enquêtes auprès d'usages traditionnels pour essayer de prendre un panel de plantes à tester finalement pour réduire un peu les possibilités. Et ça, des fois, ça donne des résultats assez surprenants. Par exemple, il y a des gens qui s'intéressent au comportement des animaux sauvages aussi pour identifier ce qui fonctionne le mieux chez nous. C'est ce qu'on appelle la zoopharmacognosie. Et un exemple concret, il y a des ethnobotanistes qui sont allés interroger des paysans brésiliens. Les ethnologues ont collecté des témoignages de personnes qui racontaient qu'un lézard du genre Tupinambis, qui s'appelle le teiu en portugais, il consomme la racine d'une plante précise à chaque fois qu'ils se battent avec un serpent venimeux. Donc à chaque fois qu'ils se font mordre, ils font un aller-retour entre la racine de cette plante et puis ils retournent se battre avec le serpent jusqu'à ce qu'ils se fassent mordre et ainsi de suite. Et du coup, ils ont identifié de cette façon-là une plante qui s'appelle Jatropha elliptica. Les locaux lui attribuent des propriétés anti-venin, du coup, parce qu'ils se sont dit que le lézard utilisait cette plante à chaque morsure, donc ça devait avoir un intérêt. Et depuis, ils ont fait des études et ils ont montré que cette plante contient des molécules intéressantes, dont pour les chimistes, je vais vous dire le nom de la molécule, ça fait pas rêver, le 2,6-diméthyl-4-phénylpyridine-3,5-dicarboxylique acide diéthylester, vive la chimie, pour réduire la... Et donc ça, ils l'utilisent et ça permet d'avoir effectivement un effet contre les venins de vipères. Voilà, il y a aussi des gens qui se sont inspirés d'histoires folkloriques. En Inde, par exemple, il y a une légende qui dit que un oiseau, pour repousser les serpents de son nid, aurait jeté des tiges d'une plante qui s'appelle Indoneasiella echioides pour éloigner le serpent. Et depuis, ils ont testé cette plante et effectivement, il se trouve que la plante a des propriétés anti-morsures et anti-piqûres sur les scorpions, les serpents, etc. Comme quoi ça sert, et comme quoi les témoignages de culture populaire et d'ethnobotanique, ça peut orienter des recherches et accélérer un peu la recherche de composés. Alors je vais pas toutes vous les citer, hein, parce qu'il y a vraiment des dizaines de plantes avec des effets anti-venins. Alors là, ça marche pas sur la base des anticorps, hein, donc ça c'est super, puisque le problème des antivenins, comme je vous disais, c'était que ça venait d'animaux, donc c'était difficile à produire. Il y a aussi un problème, c'est que les antivenins à base d'anticorps, ça se stocke pas forcément de façon évidente, donc c'est difficile à garder dans des régions reculées du globe où potentiellement on serait le plus exposé à ce genre de morsures. Les antivenins traditionnels, ça peut aussi déclencher des réactions allergiques, des inflammations, etc. Et donc, s'orienter vers ça, des solutions à base de plantes, ça pourrait être potentiellement moins cher, plus accessible, donc il y a tout un intérêt pour ce genre de recherche. Voilà. Finalement, pour revenir un peu sur des plantes de chez nous, il y a même des plantes communes comme le plantain, que vous connaissez peut-être, vous marchez dessus sur tous les chemins de France, je pense, qui sont traditionnellement réputées pour soulager les piqûres de moustiques, de guêpes ou d'abeilles. Et quand on les étudie in vitro, on voit des propriétés anti-inflammatoires, etc. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse sur les contributions de l'ethnobotanique à ce genre de champ de recherche. Et je ne sais pas si Irène, tu veux rebondir. Bah oui, je voulais juste rebondir sur le fait que la pharmacopée, de toute façon, là on parle de propriétés anti-inflammatoires, donc là on rentre dans la classe des médicaments finalement. Bah, la pharmacopée, il y a quand même beaucoup, beaucoup de plantes. Donc ce n'est pas très surprenant effectivement que on frise la classe des antivenins, finalement. Ça paraît logique, quoi. Donc voilà, le dernier message que je voulais passer dans cet épisode, c'est vraiment que la botanique, c'est évidemment fantastique. Et l'ethnobotanique encore plus, parce que j'ai dit que je parasitais l'épisode, faut le faire correctement jusqu'au bout, quoi. Ouais. Exactement. Et je te laisse parler, Alexa. Non, mais c'est parfait parce que du coup, entre ce que tu viens de dire et ce que Irène vient de dire, ça me fait une transition parfaite pour la dernière partie de cette émission qui va regrouper d'abord l'intérêt du venin, des venins pour différentes choses en médecine notamment, etc. Et aussi quelques fun facts sur le venin parce qu'il y a quand même des choses rigolotes à dire. Alors d'abord, sur la pharmacopée, donc Irène parlait de la pharmacopée. En fait, les venins animaux rentrent aussi dans la pharmacopée. Quelqu'un dans la chatroom parlait du Botox. Donc il y a pas à proprement parler un venin, hein, puisque c'est plutôt une toxine produite. Mais le Botox est utilisé, donc évidemment, on sait tous, très utilisé à Los Angeles sur les femmes de plus de 35 ans, mais pour calmer les rides. Il n'y a pas qu'à Los Angeles, d'ailleurs, évidemment. Mais bon, on m'a expliqué que toutes les femmes après 35 ans avaient du work done. Dans cette ville. Le Botox en fait partie. Mais le Botox est utilisé aussi, évidemment, pour plein d'autres choses, hein, en médecine, pour paralyser, par exemple, des muscles qui doivent être paralysés dans certaines conditions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à petite dose, évidemment, et très localement, très, très utilisé. On a également d'autres venins qui peuvent être impliqués pour qui sont en essai clinique d'ailleurs pour traiter la maladie d'Alzheimer et notamment ce qui se passe dans le cerveau. Donc ça peut être encore une fois étudier finalement la biodiversité des virus. Ça nous permet de découvrir toute une pharmacopée, ce qui est pas très étonnant étant donné que ça cible de façon très très précise des composantes physiologiques du corps humain, des canaux sodium, des choses comme ça, c'est un moyen d'agir d'agir sur des mécanismes physiologiques. Nous avons aussi certains venins d'abeilles qui semblent être des cibles prometteuses pour combattre le VIH. Ça, il me semble que c'est des études in vitro majoritairement, mais bon, ça peut être très intéressant. Et d'autres venins ont été aussi découverts comme agissant comme anticancéreux. Et donc, les essais là-dessus sont en cours. Je parlais aussi de l'intérêt technologique. Donc, j'ai parlé de la graculine pour les essais cliniques. On a aussi la tétrodotoxine, dont j'ai déjà parlé, qui a été très importante en science, justement, pour inhiber certains canaux sodium de façon spécifique et découvrir comment les membranes cellulaires fonctionnaient. Donc, en fait, cette pharmacopée, on l'utilise pour les médicaments, mais aussi beaucoup en recherche, parce qu'elle nous permet d'interagir avec plein de paramètres du vivant et donc de mieux les comprendre et les étudier. Donc ça, c'était pour la partie technologique utile, on va dire directement, pas utile, technologique, applicable. Maintenant, je vais parler des fun facts pour finir cette émission parce qu'il y a des choses qui sont très rigolotes. D'abord, je vais parler de l'échelle de Schmidt dont j'ai pas parlé. C'est une échelle qui a été faite par un entomologiste qui a classé en fait les venins d'insectes du moins fort au plus fort. Le plus fort étant, et ça j'en ai déjà parlé, la fourmi balle de fusil, celle qui est utilisée dans les rituels là. Donc lui, en fait, ce qu'il a fait, Schmidt, il les a tous testés sur lui-même. Et donc il a fait cette échelle comme ça sur lui, donc en mettant la fourmi en haut et l'avant-dernier plus haut, en fait je l'ai testé aussi à Porto Rico et je peux vous dire que ça fait vraiment mal. Alors je trouve qu'il exagère un peu dans ses vidéos quand même, mais en gros c'est le Tarantula Hox, c'est un hox, comme on dit, hox, c'est un gros insecte, on va dire, donc on va vous mettre la photo. Un gros frelon, voilà, un gros frelon qui, en fait, pique les tarentules pour les immobiliser et les tuer. Et en fait, là encore, on était en terrain la nuit, on capturait des chauves-souris, on attendait que les chauves-souris sortent, et là, un énorme Tarantula hox arrive, il était 3h du matin, on était fatigués. Une de mes collègues qui n'aime pas bien les insectes est sortie en hurlant, et moi, avec un autre collègue, on a essayé de l'attraper, et en fait, je l'ai attrapé en me disant « ouais, bon, c'est juste un insecte », et en fait, je me suis piqué le bout du doigt avec. Et j'ai pas voulu montrer un peu que j'étais totalement en PLS, comme on dit, mais ça fait vraiment très mal, ça pique le bout du doigt et ça m'a anesthésié le bout du doigt après pendant 2 jours, avec une douleur qui a irradié jusqu'au coude quasiment. Donc voilà, donc l'échelle de Schmidt, c'est assez réel, on a effectivement des espèces d'insectes qui font très mal, et on a cette personne Schmidt. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube, on vous mettra les liens dans les notes d'émission, mais voilà, c'est une façon assez drôle qui a été d'évaluer les venins d'insectes qui Bon, ne faites pas ça chez vous avec les venins plus dangereux, hein, parce que vous pourriez avoir des problèmes. Ceci étant dit, c'est ce que certaines personnes font. Avec des venins de serpents potentiellement mortels, on appelle ça les self-immunization, donc les SIRs. C'est un groupe de personnes qui a commencé dans les années 70, qui s'injectent, en fait, qui se font mordre par des serpents pour devenir résistants aux venins. Alors, est-ce que ça marche ? Oui et non. En fait, ça dépend. Il y a eu des morts, hein, dans ce club. Il y a des groupes Facebook que je ne vous encourage peut-être pas à rejoindre sur la question. Et ces gens, en fait, deviennent certains plus résistants à certains venins, parce que notamment, ils ont des anticorps. S'ils s'injectent de petites doses, ils peuvent produire des anticorps et devenir résistants. Mais bon, c'est pas absolu, ça ne marche pas sur tous les venins et ça ne marche pas à tous les coups. Donc, on vous déconseille quand même très forcément d'essayer. Et si vous le faites, on décline toute responsabilité quant à ce genre de pratique. Et pour finir avec un autre fun fact, certains venins agissent sur le cerveau. Et donc, certaines personnes prennent ces venins comme drogue pour get high. Et apparemment, ça marche assez bien. Alors, en général, c'est des composés de venins isolés. Certains se font mordre aussi avoir ces sensations un peu de flottement. Certains agissent un peu comme des opiacés. Donc, en fait, on se retrouve avec les mêmes sensations que si vous prenez beaucoup de codéine, par exemple. Ce sont des pratiques assez fun liées au venin pour des pratiques récréatives, comme quoi, les venins, c'est intéressant à tous les niveaux, mais aussi pour ça. Fun, oui, hein, enfin. J'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle tendance américaine à se faire piquer par des abeilles pour les rides. Genre, ils se faisaient des crèmes au venin d'abeilles, ou alors ils se faisaient piquer directement pour enlever les rides. Ou alors pour se désensibiliser aux allergies ou à des maladies et tout. Enfin, il y a tout un business autour de ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez Netflix, une série qui s'appelle Unwell, qui parle de tout le business des soins alternatifs aux États-Unis. C'est assez intéressant. Alors, évidemment, avec le paradoxe, d'ailleurs, qu'on a un retour vers ce genre de soins qui utilisent finalement, donc c'est pas comme l'homéopathie, qui utilise des choses avec un principe actif réel et qui se base sur la pharmacopée, etc. Mais on peut quand même se dire qu'il faut faire attention, parce que quand vous avez un médicament qui est basé là-dessus, ce médicament, il est dosé, on connaît les effets, on a une certaine sécurité parce qu'on a eu des essais cliniques et des choses comme ça derrière. Si vous expérimentez avec du venin d'abeille, etc., vous n'avez aucune idée de la dose, vous ne pouvez pas gérer les allergies et ce genre de choses. Donc, c'est un certain retour à la nature, aux substances originales, finalement, qui se défend, hein, quelque part, mais qui n'est quand même pas nécessairement sans risque. Voilà, mais en tout cas, le documentaire est formidable. Je te laisse conclure, du coup. Et au bleu conseil. Oui, alors la conclusion de cet épisode, je vais essayer de conclure avec quelque chose une certaine distance par rapport à tout ça, qui pourrait être un peu la distance de tous nos épisodes sur la biologie. C'est juste rappeler que la vie, c'est fascinant et c'est incroyable. Et que plus on l'observe dans le détail, plus on se rend compte de son incroyable diversité, qui est tellement étonnante qu'on n'en connaît en fait qu'une partie. Et on dit souvent que la recherche, c'est un tas de territoires à explorer, mais là, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, on fait vraiment ça. On repousse en fait l'inconnu, on repousse ce qu'on ne connaît pas et on découvre des nouvelles choses. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, étudier cette biodiversité qui est souvent laissée de côté, qu'on détruit quand même beaucoup, c'est pas pour faire dans le moralisateur, mais ça nous permet de découvrir plein de choses, des choses qui peuvent être utiles à l'homme. On l'a vu au-delà de l'émerveillement de la recherche, hein, on peut découvrir des antivenins, de la pharmacopée, des médicaments potentiels. On peut découvrir des modes d'action incroyables qui peuvent nous permettre de développer notre quotidien. On rappelle que les CRISPR ont été trouvés parce que des gens étudiaient l'évolution des bactéries. On peut très bien imaginer trouver un venin qui a un mécanisme tellement incroyable qui pourra révolutionner aussi notre monde technologique. Donc en fait, au-delà de ces venins, des venins et du fait que c'est rigolo et que c'est cool d'étudier ça, cet épisode, je pense, nous montre une fois de plus qu'il faut vraiment comprendre, étudier, préserver la biodiversité, parce que finalement, on a plein de merveilles à découvrir. Pour ceux qui veulent de l'appliquer, on a ce qu'il faut. Pour ceux qui veulent juste étudier comment la vie fonctionne, on a ce qu'il faut. Enfin, on en a pour tous les goûts. Et je pense que cet épisode l'illustre particulièrement. Je pense que c'est une belle morale, ouais. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si dans la chatroom ou dans l'équipe, il y a encore des questions. Mais on a frôlé quelque chose dont on avait parlé dans l'épisode sur les poisons avec Claire, le fait que les venins à petite dose peuvent être aussi utilisés peut-être comme des médicaments quelque part, non? Mm-hmm. Il y a un effet de dose vachement important aussi. Oui, effectivement. Alors ça, j'aurais pu le dire aussi. Effectivement, la dose est très très importante. Il y a même des gens qui disent que tout est une question de dose. Alors bon, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des gens qui disent voilà, l'eau, si on en boit des masses, on peut en mourir. Et c'est vrai. Après, un venin ou un poison, la différence, c'est qu'on a vraiment ce mode d'action qui. C'est pas seulement la dose qui est importante, c'est aussi qu'on va aller cibler un paramètre physiologique important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais effectivement, la dose est primordiale. On le voit pour le Botox d'ailleurs, hein, la toxine botulinique, c'est une des plus dangereuses. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais quelques milligrammes permettraient de tuer tout le monde, quoi, la population de la planète. Mmh. Alors qu'en fait, quand on injecte du Botox, ben, on paralyse juste localement pour notre bien. Et du coup, Alexa, tu as eu la lourde mission de choisir une citation de fin d'émission. Alors, j'ai une petite histoire à raconter là-dessus aussi, parce que en fait, j'avais pas d'idée en tête. Et quand on cherche des citations sur le venin, on tombe sur quelque chose de très très intéressant, surtout des points de vue des questionnements féministes actuels. En fait, j'ai trouvé plein de citations du style les femmes, les femmes et le vin contiennent du venin. Très lié à la femme et le venin. Femme jalouse est un venin qui s'infuse, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça montre aussi un peu toute, ben voilà, 18e, 19e, il y a plein de citations comme ça qui lient où l'homme est vachement lié à la force, etc. Et que par contre, la femme, pour combattre, est beaucoup plus insidieuse, utilise le venin, ou la femme est un venin, ou la pensée de la femme est un venin. Donc voilà, c'était assez rigolo de lire ça. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, mais ça montre bien comment la femme pouvait être représentée par le passé. Mais du coup, j'ai pas choisi une citation comme ça. J'ai choisi une citation un peu classique, en fait, mais que je trouve sympa. C'est une citation du Tartuffe de Molière qui est « Les langues ont toujours du venin à répandre ». En période de Covid, je trouve que c'est assez approprié. Plutôt, ouais. Mais tu viens d'expliquer que c'était pas la langue qu'on utilisait pour injecter le venin, alors ça. Alors ça, la bouche, la langue, c'est métaphorique, on va dire. Et voilà, c'est la fin de cette émission d'Alexa, un peu parasitée, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On espère que ce voyage aux confins des venins vous aura bien inflammé les neurones. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, réécoutez-le, partagez-le, chérissez-le. Que le venin de la connaissance se répande dans les oreilles du monde, puis le sang de l'humanité, afin que tout le monde ait podcast science bien dans la peau. Mes trêves de lyrisme, on se retrouve la semaine prochaine, en bonne compagnie, pour parler de toujours plus de science, et en attendant, que la servir soit votre joie.